Bosco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Plusieurs établissements de commerce qui ne sont pas en ordre avec l'office ont été fermés par le ministre des Finances dans l'après-midi de ce jeudi 10 juillet 2025 en zone Rohero de la mairie de Bujumbura. Le sort de 10 enfants mordus ce mercredi par deux chiens errants sur la colline Kirimba, commune Bururi de la nouvelle province de Burunga, reste incertain. Et pour cause, aucune officine pharmaceutique ne dispose de vaccins antirabiques dans la région. Et l'eau du robinet de la 3e avenue au quartier Gitega de la zone Kinama se déverse dans la route depuis près d'une année. Les habitants de la localité dénoncent un gaspillage énorme. Dans ce journal, vous entendrez aussi le coup de gueule des taximen qui n'en peuvent plus de passer des semaines garés devant les stations-service sans être servis en carburant. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique a procédé dans l'après-midi de ce 10 juillet 2025 à la fermeture de plusieurs établissements de commerce en zone Rohero de la mairie de Bujumbura qui ne sont pas en ordre avec le fisc. Certains des commerçants ciblés n'avaient pas de machines à facturation électronique, d'autres ne les utilisent pas correctement, tandis que d'autres avaient des dettes fiscales de longue date. Suivez les explications du ministre Nestor Naonoui. La première disposition sur laquelle nous avons travaillé, c'est la disposition sur l'utilisation de la machine à facturation électronique. Et nous avons trouvé, surtout dans le quartier asiatique où il y a beaucoup de magasins, il y a certains qui ont ces machines à facturation électronique, il y a ceux qui les utilisent, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Et vous avez vu que nous avons procédé à la fermeture de ces magasins qui n'ont pas de machines à facturation électronique. Il y a aussi ceux qui ont des machines à facturation électronique, mais qui font la minoration des factures. Parce que nous avons vu les factures qui ont été, qui équivaut à 2000 francs, à 3000 francs. Nous avons vu aussi des magasins pour tout à moi qui ont fait un chiffre d'affaires mensuel de 462 000 francs, alors qu'il a beaucoup d'articles. On s'imagine, est-ce que c'est vraiment toutes les factures ont été enregistrées dans la machine à facturation électronique? Alors, ce que nous avons fait, c'est la fermeture et l'application de la loi. Le ministre des Finances recommande à l'Office burundais des recettes OBR d'identifier les de procéder aux vérifications et à la fermeture des magasins de tout commerçant qui n'est pas en ordre avec l'administration fiscale afin de ramener à l'ordre tous les contribuables qui font fi des lois et procédures fiscales. Il annonce que la loi des finances en vigueur a même prévu que toute personne qui sera attrapée avec des marchandises sans facture électronique sera passible d'une amende de 20% de la valeur de ces marchandises. Et l'Association burundaise des consommateurs s'inquiète de l'augmentation des impôts et taxes telle que prévue par la loi budgétaire 2025-2026. Noël Nkurunziza, secrétaire général de cette association, fait remarquer que si les charges fiscales deviennent trop lourdes, les consommateurs perdent leur pouvoir d'achat et se retrouvent dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins essentiels. Par conséquent, l'État lui-même risque de ne pas percevoir les recettes fiscales escomptées. Trop d'impôts tue l'impôt, résume-t-il. Dans le chapitre de la loi budgétaire 2025-2026, il y a beaucoup de taxes et impôts qui ont été programmés. L'ensemble de ces taxes constitue un fardeau pour le consommateur dont les moyens sont déjà faibles. Et au niveau de l'Association burundaise des consommateurs Transparency International Burundi, nous sommes inquiets quant à la vie du consommateur une fois qu'il serait confronté à l'ensemble de ces taxes, parce qu'aucun produit qui se trouve parmi les premiers nécessités du consommateur n'a été épargné, et on se demande si le consommateur pourra finalement survivre une fois le fardeau de ces taxes pesé sur lui. Le même constat est fait, nous pensons que même au niveau du gouvernement, l'ensemble de ces taxes qui sont imposées aux consommateurs risque d'être contre-productif parce que, comme on le dit, trop d'impôts tirent l'impôt, ce qui voudrait dire que le consommateur ne pourra pas non plus payer l'ensemble de ces taxes et les recettes escomptées pourraient encore une fois ne pas aller en plus comme ils étaient programmés. C'est pour cela que nous gardons encore cet objectif au niveau de la BOCO. Et le gouvernement devrait finalement, dans l'approche à venir, retoucher certaines rubriques pour que le consommateur puisse finalement jouir de ses droits de consommation en fonction justement de ses moyens, mais tout en respectant aussi ses besoins. Sinon, si tel était resté comme tel, nous pensons que la vie du consommateur serait intenable et par conséquent aussi l'ensemble des besoins du pays pourrait encore une fois en souffrir, d'autant plus que les recettes attendues ne pourraient pas rentrer au niveau des finances publiques. Noël Nkurunziza, c'est le secrétaire général de l'Association burundaise des consommateurs à Buko. Plus de 10 enfants ont été mordus ce mercredi par deux chiens errants sur la colline Kirimba, commune de Bururi de la nouvelle province de Burunga. Au moment où le vaccin antirabique reste introuvable dans les structures de soins de cette province, les parents des victimes demandent aux bienfaiteurs de les appuyer car ces vaccins coûtent énormément cher à Bujumbura. Le médecin directeur du district de Bururi confirme la carence de ce vaccin depuis un mois sans toutefois dire quand il pourra être disponible. Zeno Zambimana. Ces enfants qui ont été mordus ce mercredi par deux chiens errants au quartier Kiremba et sur la colline Kiremba rurale en commune Bururi, province de Burunga, sont au nombre de 14 services de formation sur place. Les victimes ont été vite évacuées vers l'hôpital régional de Bururi où ils ont reçu uniquement les premiers soins car le vaccin antirabique est introuvable à cet hôpital. Au moment où ce vaccin antirabique reste introuvable dans toute la province de Burunga, les parents des victimes demandent un appui financier aux bienfaiteurs, car ce vaccin coûte énormément cher à Bujumbura, où il est disponible. Ils disent qu'une seule injection sur 5 est recommandée, coûte plus de 70 000 francs burundais. Le chef de district sanitaire de Bururi confirme la rupture des stocks de ce vaccin depuis plus d'un mois. Jérémy Ndaïzeye dit que ces vaccins antirabiques sont normalement subventionnés et sont octroyés par le ministère de la Santé et de lutte contre le sida aux structures des soins en cas de leur disponibilité. Ferdinand Douimana, secrétaire exécutif communal à Bururi, dit qu'un de ses chiens a été directement tué par la population de Kirimba. Il appelle les propriétaires des chiens à les garder chez eux et à les faire vacciner. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci Zenon. Les taximens se plaignent de passer plus de 3 semaines aux stations-service sans être servis en carburant. Ainsi, il devient difficile pour eux de nourrir leur famille. Même leur véhicule s'en trouve endommagé à cause d'un long stationnement. Jean-Marie Vianing et Ndakoumana a rencontré certains d'entre eux dans les quartiers nord de Bujumbura. Reportage. Les conducteurs des voitures de transport marque taxi rencontrés à la station service Kobire se trouva dans la zone Kamenge, une des stations qui approvisionne les taxis en carburant de type essence, déplore qu'ils sont incapables de nourrir leur famille du fait qu'ils peuvent passer plus de 3 semaines sans en avoir. Ces chauffeurs signalent que leur voiture tombe plus souvent en panne puisqu'elles passent assez de temps sur les files d'attente. L'un de ces conducteurs des taxis témoigne que cette pénurie de carburant est devenue l'une des causes de la recrudescence des violences car certaines femmes ne parviennent pas à comprendre que leur mari dorme aux stations. Ces chauffeurs demandent à la société pétrolière du Burundi Sopebu de laisser les taxis s'approvisionner aux différentes stations comme c'était le cas dans le passé. Samuel Ndaisenga, directeur général de la Sopebu, fait savoir qu'il y a les raisons qui poussent la Sopebu à ne pas distribuer régulièrement le carburant aux taxis, même s'il ne le précise pas. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La participation des femmes aux coopératives reste encore faible, avec 1,2% seulement. C'est ce qui a été révélé ce jeudi lors d'une table ronde organisée par le collectif des associations et ONG féminines du Burundi sur la promotion des droits socio-économiques des femmes. C'était à l'occasion de la Journée internationale des coopératives, célébrée le 10 juillet. Liliane Nijimbere, vice-présidente du CAFOB, explique cette situation par des obstacles d'ordre culturel et traditionnel, ainsi que le manque d'autonomie laissée aux femmes par leurs maris. Suivez-la. Le défi qui bafoue les droits socio-économiques de la femme. Donc, il y a d'abord les stéréotypes, il y a aussi les hommes qui n'acceptent pas que ces femmes participent dans les coopératives. Dans son cas alors, la femme ne peut pas accéder à ses droits. Concernant le niveau de participation des femmes dans des coopératives, les femmes participent peu, donc elles participent à un nombre très insuffisant. Si on regarde les coopératives qui se trouvent au Burundi, il y a 16 903 coopératives, alors que 216 sont les coopératives des femmes seulement, donc 1,2%. C'est-à-dire que ce chiffre est faible. À l'endroit des femmes, nous les incitons à participer dans des coopératives, nous les incitons à solliciter ces hommes pour que ces hommes acceptent qu'elles participent dans des coopératives. On demande aussi que les hommes soient sensibilisés pour que ces femmes participent dans des coopératives. Et à l'endroit de l'État, nous demandons que la journée internationale des coopératives soit célébrée, non pas pour nous montrer, mais pour participer à la redevabilité, donc s'évaluer ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait pour le faire encore. Et dans la suite de ce journal, l'eau du robinet de la 3e avenue au quartier Gitega de la zone Kinama se déverse dans la route depuis près d'une année. Les habitants de la localité dénoncent un gaspillage énorme dû à une panne du compteur non réparé et des robinets défectueux non remplacés. Terence Sanzé, chef du quartier Gitega, affirme avoir donné rapport à sa hiérarchie et que même des agents de la régie des eaux en charge des réparations ont été sollicités pour intervention il y a de cela environ 3 mois, mais sans succès. Un reportage d'Omer Ndouayo. Cette fontaine à deux robinets se situe dans le quartier Gitega, en zone Kinama. C'est sur la 3e avenue, près de l'avenue pavée, menant vers l'église Pentecôte, à environ 80 mètres de la route principale dite Kugamutakura. C'est une fontaine publique. Le constat étant que ce robinet est rarement à sec dans la ville de Bujumbura. Ainsi, l'eau coule tout le temps suite aux pannes des robinets du compteur, indiquent certains usagers rencontrés sur place. La panne a débuté en juillet l'année passée. Elle s'est aggravée petit à petit suite au manque de compteur. Il faut la réparation. Une situation qui ennuie même les passants, qui voudraient que cette eau soit distribuée chez eux. Terence Sanze, chef du quartier Gitega, affirme avoir rapporté cette situation aux agents de la régie des eaux chargés de cette localité. La population et l'administration à la base ne sont pas en mesure de réparer ce compteur. Nous pouvons seulement s'acheter des robinets. Nous avons contacté le chargé de l'eau au nord de la ville et celui-ci nous a renvoyé aux agents chargés de cette localité. Ces derniers nous ont promis d'y passer. De même que les usagers de ce robinet, ce chef du quartier Gitega demande que cette panne soit réparée pour éviter des pertes. Omer Ndouayo, pendant que l'eau se déverse dans la route, dans ce quartier à Rumonge, précisément au lycée, on connaît une pénurie d'eau potable depuis ce mardi matin, alors que plus de 800 élèves sont en train d'y passer à l'examen d'État édition 2025. Ils s'en inquiètent et tirent la sonnette d'alarme pour une intervention rapide de la régie des eaux. Le responsable de cette entreprise dans la région sud dit que l'eau pourrait incessamment couler dans les robinets, puisqu'ils sont à l'œuvre pour remplacer, pour réparer un tuyau cassé. Jean-Pierre Misago. Depuis le matin de ce 8 juillet courant, jour du début de l'examen d'État édition 2025, aucun robinet ne débite de l'eau dans les enceintes du lycée Rumonge, selon certains des élèves y abrités. Interrogé ce jeudi matin, dans ces conditions, ils disent perdre du temps de révision des cours à la recherche de l'eau et avoir du mal à respecter les règles d'hygiène, une situation les exposant aux maladies des mains sales. Ces élèves interrogés demandent à la régie des eaux d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Au niveau de la régie des eaux, région sud du Burundi, l'on informe que c'est un tuyau cassé au niveau de la rivière Dama à l'origine de cette situation, un tuyau dont la réhabilitation est en cours pour renormaliser la situation selon le responsable de la régie des eaux dans cette partie du Burundi. En attendant que ce problème trouve solution, les chargés de nourrir ces 850 élèves abrités au lycée Rumonge en provenance des différentes écoles dans l'ancienne province scolaire de Rumonge se sont rabattus à l'eau du lac Tanganyika pour la cuisson, une eau transportée par une camionnette louée à cette fin. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. 26 motos, 16 ordinateurs portables et autres matériels ont été remis ce mercredi aux juridictions et conseils des notables collinaires de Makamba et Rutana dans la province de Burunga par l'organisation Land Development Expertise Center. Le président de la Cour d'appel de Makamba, satisfait de ce don, a néanmoins souligné que différentes juridictions de la région font face au manque de personnel. Élise Quizera. Ce matériel ayant été remis aux juridictions et conseils des notables collinaires de Makamba et Rutana dans la province de Burunga par l'organisation Land Development Expertise Center, la DEC en sigle, à travers le ministère de la Justice ce mercredi, est composé de 26 motos et 52 casques pour 13 tribunaux de résidence, 16 ordinateurs portables, 19 imprimantes, dont 3 qui seront utilisés au ministère. Ça, c'est aussi des camètres et bien d'autres. Virginie Havugiaremye, assistante au ministère de la Justice, qui a représenté son ministère lors de la remise de cet équipement, annonce que certaines juridictions sont confrontées aux problèmes liés au manque d'immatériel, dont les moyens de déplacement. Elle trouve que le don de cet équipement constitue une solution à ces problèmes et indique que cela permettra aux juges d'arriver sur terrain au moment opportun, prendre des décisions faciles à mettre en application et réduire des arriérés judiciaires. Ainsi, elle espère que la population aura plus de confiance à la justice. Le président de la Cour d'appel de Makamba, Ndouimana Glorieuse, Sali Sodon. Toutefois, elle indique que différentes juridictions font face au manque de personnel, dont les juges et les greffiers, et demandent au ministère de tutelle de trouver solution à ce problème. Les acteurs de la justice ayant bénéficié de son matériel sont conseillés de bien l'entretenir et l'utiliser pour des fins professionnelles. Signalons que l'organisation La DEC, œuvre dans les provinces de Burunga et Butanyerera, a fait de renforcer la paix et la sécurité en résolvant efficacement les conflits fonciers de Makamba. Élisée Quizera, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. L'éducation au partage des tâches incite les filles et les garçons à faire tous les travaux, tant domestiques que d'autres générateurs de revenus. Explication d'un expert en genre et inclusion sociale se basant sur les formations dispensées aux couples des collines, les Mouchiti et Bouye Amoumba de l'ancienne province d'Ongozi. Antoinette Nichiteretse indique que dans ces conditions, les enfants gardent confiance en eux quant à leur avenir. Omer Douayo. L'éducation au partage des tâches est une éducation qui tend à familiariser les enfants à tous les travaux, que ce soit les travaux domestiques pour les garçons ou autres générateurs des revenus, dit des garçons pour les filles. Ce sont du moins les explications d'Antoinette Nichiteretse, experte en genre et inclusion sociale. L'éducation du partage des tâches des enfants par les parents, je dirais que c'est éduquer les enfants de faire tous les travaux ménagers sans séparer les travaux des garçons et des filles. Je donnerai l'exemple. On dit que les filles doivent balayer, cuisiner, mais je dirais que les travaux des enfants doivent être faits de la même manière. Qu'un garçon fait la cuisine, c'est normal. Qu'une fille va chercher de l'argent, c'est normal. Cette sensibilisation, c'est pour premièrement aider les parents, parce que les parents doivent éduquer les enfants et ils doivent s'entraider entre eux pour donner une bonne éducation aux enfants et aider les enfants à grandir de la même manière. Tout cela pour le bien-être de l'enfant. Mais aussi pour briser les stéréotypes qui disent qu'une fille ne peut pas faire ça ou un garçon ne peut pas faire ça. Juste voir que les enfants peuvent grandir de la même manière. Cette experte en genre ajoute que les enfants éduqués ainsi ne se lamente jamais, même après le mariage. Les conséquences, si les parents ne le font pas, les enfants vont grandir en connaissant qu'il y a des tâches pour les filles et pour les garçons. Et cela, ça va impacter sur les ménages parce que quand ils seront mariés et femmes, tous les travaux seront sur le dos de la femme. Ils n'auront même pas le temps de se reposer. Mais aussi, il y aura les enfants qui ont beaucoup de travaux et les autres qui n'en ont pas. Ils n'auront pas le temps de faire leurs devoirs, ils n'auront pas le temps de se reposer, ils n'auront pas le temps d'aller chercher de l'argent comme les garçons. Donc, je dirais qu'il serait mieux d'éduquer les enfants de la même manière. Les familles qui n'éduquent pas les enfants au partage des tâches, dit Antoinette Nichitretse, experte en genre et inclusion sociale, se heurte au manque de développement. Ce qui freinait que ces tâches soient faites de la même manière, c'était nos coutumes qui nous ont éduqués ainsi. C'est ça, ces coutumes que nous voulons briser pour que les enfants grandissent de la même manière. J'aimerais faire appel à tous les parents d'éduquer les enfants de la même manière. Comme le dit en Kirundi, j'aimerais que tous les parents, vraiment, dès le bas âge, éduquent les enfants de la même manière à ne pas partager les tâches des garçons et des filles, en leur apprenant à faire les mêmes tâches. Ça va aider aux familles qui n'ont pas de garçons ou les familles qui n'ont pas de filles à ne pas avoir beaucoup de travaux sur les uns et les autres. L'experte Antoinette Nichitretse sensibilise les parents à faire aimer aux enfants tous les travaux. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.